Le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour célébrer la journée du soleil, conduit par Kun Sun-hee, conseiller du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, est arrivé le 11 à Pyongyang par avion et a déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage. Le même jour, le corps des attachés militaires en Corée et le président Dag Nordenham du comité du Parti communiste norvégien pour la province de Vestfold ont également formulé l'hommage au grand leader coréen devant leur statue en bronze.